traverse les veines. Et ce n'est pas la peine. Il n'y a plus rien qui me gêne. Je n'ai même plus de haine. C'est mou, c'est blanc, c'est froid. Les deux pieds dans la neige. Je pense n'importe quoi. J'entends comme des appels. Je m'enfonce lentement. Le gel me monte aux dents. Y'a rien de plus géant. Cette merde blanche. Le vent caresse ma tête, glacée jusqu'à la crête. Je sais ce qui me guette. Cerveau en vinaigrette. C'est doux, c'est blanc, c'est quoi? Les deux pieds dans la neige. Je pense n'importe. J'attends le bus pour Liège. Malgré mes jambes de glace qui me laissent sur place, seul ce gel qui m'embrasse. Je me suis perdu, hélas. Coincé dans cette neige molle. Mes pensées qui décollent jusqu'à devenir folle. Je sens que je m'envole. Les deux pieds dans la neige. Je pense n'importe quoi. J'entends comme des arpèges. C'est tout, c'est grand, c'est quoi? Les deux pieds dans la neige. Je pense n'importe quoi. J'attends le bus pour Liège. Le bus pour Liège.